À Paris, mercredi 16 juin 1677. Cette lettre vous trouvera donc à Grignan, ma très bonne et très parfaitement chère. Eh mon Dieu, comment vous portez-vous? Monsieur de Grignan et mon Gobert ont-ils tout l'honneur qu'ils espéraient de cette conduite? Je vous ai suivi partout, ma bonne. Votre cœur n'a-t-il point vu le mien pendant toute la route? J'attends encore de vos nouvelles de Châlons et de Lyon. Je viens de recevoir le petit billet du grand monsieur des Issards. Il vous a vu et regardé. Vous lui avez parlé, vous l'avez assuré que vous êtes mieux. Je voudrais que vous sussiez comme il me paraît heureux, et ce que je ne donnerais point déjà pour avoir cette joie. Il faut penser, ma bonne, à se guérir l'esprit et le corps, et que vous vous résolviez, si vous voulez ne plus mourir, dans votre pays au milieu de nous, à ne plus voir les choses que comme elles sont, ne les point augmenter et ne les point grossir dans votre imagination, ne point trouver que je suis malade quand je me porte bien, ne point retourner sur un passé qui est passé, ni voir un avenir qui ne sera point. Si vous ne prenez cette résolution, on vous fera un régime et une nécessité de ne jamais voir. Je ne sais si ce remède serait bon pour vos inquiétudes. Pour moi, je vous assure qu'il serait indubitable pour finir ma vie. Faites sur cela vos réflexions. Quand j'étais en peine de vous, je n'en avais que trop de sujets. Plût à Dieu que ce n'eût été qu'une vision. Le trouble de tous vos amis et le changement de votre visage ne confirmaient que trop mes craintes et mes frayeurs. Tâchez donc de guérir votre corps et votre esprit, ma chère enfant. C'est à vous à travailler à tout ce qui peut faire votre retour, aussi agréablement que votre départ a été triste et douloureux. Car pour moi, qu'ai-je à faire? À me bien porter? Je me porte très bien. À songer à ma santé? J'y pense pour l'amour de vous. À ne point m'inquiéter de vous? C'est de quoi je ne vous réponds pas, ma bonne, quand vous serez en l'état où je vous ai vu. Je vous parle sincèrement. Travaillez là-dessus. Et quand on me vient dire présentement... Vous voyez comme elle se porte, et vous-même, vous êtes en repos. Vous voilà fort bien, toutes deux. Oui, fort bien, voilà un régime admirable. Tellement que, pour nous bien porter, il faut être à 200 000 lieues l'une de l'autre. Et l'on me dit cela avec un air tranquille. Voilà justement ce qui m'échauffe le sang, et qui me fait sauter au nu. Ma chère bonne, au nom de Dieu, rétablissons notre réputation par un autre voyage, où nous soyons plus raisonnables, c'est-à-dire vous, et où l'on ne nous dise plus « vous vous tuez l'une l'autre ». Je suis si rebattu de ces discours que je n'en puis plus. Il y a d'autres manières de me tuer qui seraient bien meilleures. Je vous envoie ce que m'écrit Corbinelli de la vie de notre cardinal et de ses dignes occupations. Monsieur de Grignan sera bien aise de voir cette conduite. Vous aurez trouvé de mes lettres à Lyon, ma bonne. J'ai vu le coadjuteur. Je ne me le trouve changé en rien du tout. Nous parlâmes fort de vous. Il me conta la folie de vos bains, et comme vous craignez d'engraisser. La punition de Dieu est visible sur vous. Après 6 enfants, que pouviez-vous craindre? Il ne faut plus rire de Madame de Bagnoles après une telle vision. J'étais à Saint-Maur avec Madame de Saint-Géran et d'Acqueville. Vous fûtes célébrée. Madame de Lafayette vous fait 1000 amitiés. Dites un mot à Latroche sur ce qu'elle vous écrivit dans ma lettre. J'espère que vous aurez écrit un mot au cardinal, dont le soin et l'inquiétude n'est pas médiocre. Monsieur de Grignan, je crois que vous m'aurez répondu. Comment notre poitrine se porte-t-elle? Le sang court-il toujours trop vite dans notre cœur? Avons-nous de la chaleur? Sommes-nous oppressés? Le ton de notre voix est-il étouffé? Dormons-nous? Mangeons-nous? N'amaigrissons-nous point? Je vous assure qu'en vous disant tout ceci, je vous ai parlé de mon unique affaire. J'en ai 2 petites misérables qui m'arrêtent encore pour quelques jours. Après cela, je baise les mains à la princesse et à la Marbeuf. Je m'en vais à Livry. J'en meurs d'envie. J'étais un peu échauffé. Les fraises m'ont entièrement rafraîchi et purgé. S'ils vous étaient aussi bonnes, il ne faudrait pas y balancer. Vous êtes bien aise de voir les petits garçons et Pauline. Parlez-moi d'eux et de la santé de mon Gobert, qui m'est très cher. Monsieur et madame sont à une de leurs terres et iront à l'autre. Tout leur train est avec eux. Le roi ira les voir, mais je crois qu'il aura son train aussi. La dureté ne s'est point démentie. Trouvera-t-on encore des dupes sur la surface de la terre? On attend les nouvelles d'une bataille à 7 lieues de Commercy. Monsieur de Lorraine voudrait bien la gagner au milieu de son pays, à la vue de ses villes. Monsieur de Créqui voudrait bien ne la pas perdre, par la raison qu'une et une sont 2. Elles sont à 2 lieues l'une de l'autre, non pas la rivière entre 2, car Monsieur de Lorraine l'a passée. Je ne hais pas l'attente de cette nouvelle. Le plus proche parent que j'y ai, c'est Beauflair. Adieu, ma très chère bonne petite bonne. Profitez de vos réflexions et des miennes. Aimez-moi et ne me cachez point un si précieux trésor. Ne craignez point que la tendresse que j'ai pour vous me fasse du mal, c'est ma vie. Croyez aussi, ma bonne, que je suis très parfaitement contente de la vôtre. Demandez à M. Dacqueville, nous en parlions hier. Il trouva que j'étais persuadée de ce que je dois l'être. Le bien bon vous salue. Le baron est toujours par voie et par chemin. Pour ma bonne et très chère,